franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le plus grand scandale financier de l'histoire, l'affaire Madoff. C'est le 12 décembre 2008 que le Monde découvre à la une de la presse et en boucle sur les chaînes d'infos le visage et le nom d'un homme en col blanc, légende de Wall Street et symbole jusqu'alors du rêve américain, Bernard Madoff. Si cet homme de 70 ans défraye ainsi l'actualité à la veille des fêtes de fin d'année, ce n'est pas pour jouer le rôle de nouveau sauveur d'une économie américaine exsangue, non, au contraire. Madoff est un démon qui a jeté son costume de financier modèle pour revêtir son véritable habit, celui d'Arsène Lupin ou d'un autre du même genre. En un mot commençant, Madoff est un escroc. Un escroc de dimension mondiale pour une entourloupe de taille planétaire. Car derrière ce que les médias qualifient rapidement de scandale, Madoff, il y a ce chiffre, 65 milliards de dollars. Autant que le PIB d'un pays comme la Croatie ou l'Uruguay. Une somme record que Madoff a fait disparaître en mettant sur pied de gigantesques fraudes. En pleine crise des subprimes, l'épisode Madoff est un nouveau traumatisme pour l'opinion publique qui comprend qu'il ne s'agit pas d'un accident mais plutôt d'un symptôme, celui d'un système qu'on a laissé aller à la dérive. Après le récit, et pour revenir avec nous sur cet épisode, nous avons invité le journaliste Christophe Alix, chef du service économie au journal Libération, notre partenaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, voix Eric Oswald et Delphine Leplay, réalisation Fabrice Lègle, mixage Hélène Langlois, à la technique aujourd'hui Florent Layani. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. New York, presqu'île de Manhattan, nous sommes le 23 décembre 2008. En ce début de matinée, un vent froid souffle entre les tours des bureaux de la capitale économique des États-Unis. Sur Madison Avenue, l'une des artères les plus prisées des cabinets d'investissement financiers, une voiture de police file toute sirène hurlante en direction d'un luxueux immeuble d'une vingtaine d'étages. Sur place, quelques centaines de mètres plus loin, au numéro 509 de l'avenue, plusieurs véhicules de la police de New York stationnent déjà. La rue est barrée et de l'autre côté de la chaussée, des dizaines de badauds tentent d'apercevoir ce qui se passe dans le hall de l'immeuble. À 9h30, un imposant camion de police sur lequel est écrite la mention « coroner » se gare à proximité de l'entrée. Plusieurs hommes en descendent. Il s'agit des médecins légistes de la police. Dans les minutes qui suivent, une dizaine de journalistes font leur apparition aux abords du périmètre. Et c'est l'un d'eux, le reporter de NBC News, Mike Huckman, qui confirme face à la caméra qu'un drame s'est déroulé ici, plus tôt dans la matinée. Il y a eu quelques démentis, mais désormais nous avons les premiers détails sur cette affaire. Ils sont vraiment tristes, tragiques, troublants et très rudes. Mais des sources confirment à NBC News que Thierry Majon de Villucher a été retrouvé mort. Il aurait utilisé un cutter pour se trancher les veines. Il était assis à son bureau, dont vous pouvez voir l'immeuble derrière moi, de l'autre côté de la rue, dans Midtown Manhattan. Il a été retrouvé assis, face à sa table. Il y avait des somnifères à côté. La police suspecte qu'il ait pris les cachets avant de se trancher les veines. Mais il faudra attendre les résultats des analyses toxicologiques pour en être sûr. Apparemment, il travaillait hier et n'est pas rentré chez lui dans la soirée. Son corps a été découvert par des agents de sécurité ce matin à 7h. La victime, Thierry Magon de la Villucher, était française. Cet homme avait 65 ans. Il était le cofondateur d'Access International Advisors, une société de conseil en investissement. Figure du milieu de la finance new-yorkaise, l'homme gérait plus de 2 milliards d'euros d'actifs européens. Depuis plusieurs années, il avait investi toute sa fortune personnelle, celle de sa famille, celle de ses proches et celle d'une partie de ses clients fortunés, dont fait partie la famille Bettencourt, héritier de l'empire L'Oréal. Tout cela dans un hedge fund, comprenait un fonds de couverture qui, le disait-il, était le grand coup de sa carrière. Mais il y a 12 jours, le rêve du financier français, celui de gagner toujours plus d'argent grâce à la bourse et au réseau opaque de la technofinance, prend fin brutalement. Et pour cause. Il apprend dans la presse que le propriétaire du fonds l'a trompé, lui, comme ses clients, et que l'argent qu'il pensait avoir investi, soit un peu plus de 1 milliard et 400 000 dollars, s'est volatilisé. Depuis une semaine, Thierry Magon de la Villuche est troublé. Il essaie par tous les moyens de récupérer la mise de ses investisseurs, jusqu'au moment où il se rend compte que c'est tout simplement impossible. Joint par téléphone, son frère Bernard confirme que c'est bien la raison qui l'a conduit à prendre cette décision dramatique. Mon frère était un homme d'honneur. Tout soupçon de complicité serait absurde. Il considérait qu'il avait entraîné ses clients et amis dans une situation insoutenable. Et par conséquent, en homme d'honneur, il a estimé qu'il devait mettre fin à ses jours. À New York, la nouvelle du suicide de Thierry Magon de la Villuche propose un grand émoi. En France aussi, elle est reprise dans les médias et très vite, on s'interroge. Cet homme est-il une nouvelle victime collatérale de la crise des subprimes qui secoue depuis quelques mois les États-Unis et l'Europe ? Non. En réalité, la mort du financier français s'inscrit dans une toute autre affaire. Une affaire au parfum de scandale financier qui secoue les banques du monde entier. Cette affaire, c'est l'affaire Madoff. Car l'homme auquel Thierry Magon de la Villuche a confié son argent et une grande partie de celui de ses clients, c'est Bernard Madoff. Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-10, le journal de Michael Thébault. Et bonjour. Lui n'est autre que le roi de l'escroquerie, Bernard Madoff, la star de Wall Street épinglée pour une fraude de 50 milliards de dollars. Le scandale de trop pour la planète finance et la banque française BNP Paribas sans doute touchée. C'est vraiment une énorme fraude financière, non seulement en termes de chiffres, mais surtout en termes de questions soulevées sur la confiance. L'accusé n'est pas n'importe qui. Une fraude pyramidale dans laquelle l'argent des derniers souscripteurs n'était pas investi sur des placements financiers, mais servait juste à payer 10% d'intérêt aux premiers clients. Bernard Madoff, 70 ans, aurait fait perdre 50 milliards de dollars à ses clients. En fait, il n'avait pas d'argent. Il s'embourbait dans un système pyramidal, il attirait de nouveaux investisseurs et c'est avec ce nouvel argent qu'il payait les anciens investisseurs. Et du coup, 50 milliards de dollars se sont envolés. C'est à New York, deux semaines plus tôt, qu'éclate le scandale Madoff. Le masque tombe le 11 décembre 2008 au matin, lorsque le FBI l'interpelle dans son luxueux appartement de l'Upper East Side, l'un des quartiers les plus chics de Manhattan. En peignoir et en pantoufles, le financier de Wall Street n'oppose aucune résistance. Emmené dans les locaux de la police fédérale, il est interrogé pendant une dizaine d'heures par les enquêteurs du FBI et ceux de la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Jusque-là, impassible, Madoff passe aux aveux, comme en atteste le procès-verbal de son audition diffusé par la suite dans le New York Times. Oui, moi, Bernard Madoff, je reconnais avoir sciemment menti à tous mes clients. Je leur faisais croire que je pouvais leur faire gagner sans risque beaucoup d'argent grâce à des placements sur les marchés boursiers. En réalité, je n'ai jamais investi l'argent qu'ils me confiaient. Personne d'autre à part moi et quelques-uns de mes employés n'était au courant de ça. J'ai mis mes deux fils, Andrew et Mark, dans la confidence il y a seulement 2 jours. Si je l'ai fait, c'est qu'avec la crise qui ravage notre économie, j'ai compris que tout était fini, que je ne pourrais jamais rembourser personne. Ce sont mes fils qui vous ont appelé car ils s'inquiétaient pour moi. Je vais vous dire, je me sens soulagé que tout cela s'arrête car je vais enfin pouvoir reprendre une vie normale. Libéré moyennant une caution de 10 millions de dollars, le lendemain matin, ces révélations font la une de la presse et chahutent les places financières du monde entier. Le Nasdaq, l'indice de la bourse de New York, dévisse de 16%. Les places européennes affichent également un fort recul. Le préjudice est immense, car à elle seule, l'entreprise de placement financier de Bernard Madoff représente en 2008 le plus grand volume d'opérations financières au monde. Oui, plus que la banque Goldman Sachs, par exemple. Et à lui seul, il pèse plus de 10% du volume quotidien de la bourse de New York. Pour Wall Street, justement, déjà éclaboussé, fragilisé par la crise des subprimes quelques mois plus tôt, le coup est rude. Pourtant, contre toute attente, le scandale Madoff est une aubaine pour les intérêts des traders et barons de la finance new-yorkaise, ceux-là même qui, chez Lehman Brothers, Goldman Sachs ou Merrill Lynch, ont provoqué, à coup d'achat d'actifs toxiques et d'assurances vie sur des produits dits dérivés, la crise que l'on sait. Car désormais, l'incarnation de ce que la finance a de pire, le profit à l'excès, l'escroquerie à tout prix, porte un nom et un visage, celui de Bernard Madoff. En l'espace d'une journée, l'archange de la finance devient l'homme le plus détesté de tous les États-Unis. La presse se déchaîne contre lui, elle le traque sans relâche pour obtenir des explications. Une situation qui ne tarde pas à dégénérer, comme ici, devant le domicile du financier où il est violemment pris à partie au moment de rentrer chez lui. Séquence qui fait l'ouverture de tous les journaux télévisés du monde. Ne me touchez pas! Vous mériteriez de mourir! Monsieur Madoff, comment vous sentez-vous? Qu'allez-vous faire maintenant? Quelle sera votre défense? Laissez-moi passer! Monsieur Madoff, qu'avez-vous à dire à tous ces gens dont vous avez volé l'argent? Qu'avez-vous à leur dire à eux? Monsieur Madoff, répondez-nous! Les victimes de Madoff, justement, elles se comptent par dizaines de milliers. Et contrairement à ce que la presse affirme au premier jour du scandale, on découvre vite qu'il n'y a pas que des grandes fortunes et des grands groupes bancaires américains qui sont touchés par cette fraude. Non, il y a aussi des banques françaises et européennes, mais également une multitude de petits épargnants que Madoff a tout simplement ruinés. Palm Beach, Floride, le 15 décembre 2008. Voilà trois jours que le scandale Madoff a éclaté. Et c'est précisément ici, sur les plages et les terrains de golf de ce luxueux écrin de verdure, repère de la jet-set du monde entier, que le tumulte arrive. Alors qu'habituellement en hiver, cette petite ville rassemble à elle seule 60% de la richesse mondiale, il n'y a pas grand monde cette année. Pas un yacht, ni même une Ferrari à l'horizon. Pourquoi ? Bah, Madoff, encore lui. Car à Palm Beach, plus qu'ailleurs, tout le monde connaissait Bernie, le financier de Wall Street, et tout le monde, ou presque, lui avait confié son argent. Ici, les pertes sont astronomiques. On les estime à plus de 600 millions de dollars, rien que parmi les 300 membres du Palm Beach International Polo Club. Plus au nord, à New York, la presqu'île de Manhattan, sanctuaire de la finance nord-américaine, subit elle aussi les assauts de la vague Madoff. Dans chacune des tours du Midtown, là où se concentrent les plus grandes banques, la panique s'empare des salles de marché et on ne cherche plus à savoir si on s'est fait piéger par Madoff, mais de combien. Certains journalistes spécialisés estiment que le préjudice pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars. Présent sur place, le correspondant de France Inter, Bertrand Vanier, énumère la liste des victimes du scandale. Dans la première liste des hommes, des femmes qui avaient confié à Bernard Madoff leurs économies, il faudrait plutôt parler de leurs richesses ou la gestion de leur association ou de leur fondation. Le Wall Street Journal et le New York Times parlent par exemple des amis du Palm Beach Country Club, un club très chic de Floride, où le financier est recruté parmi les membres les plus fortunés. On cite aussi le nom du propriétaire des Mets, le club de baseball de New York, ou de l'ancien propriétaire des Eagles de Philadelphie. Là, il s'agit de football. C'est donc ce que je pourrais appeler la liste des wouzou. Et puis, il y a les associations juives de New York notamment, ou les fondations, celles d'Elie Wiesel ou de Steven Spielberg, qui auraient perdu de l'argent, mais on ne sait pas combien. Deuxième liste, les banques, les institutions financières de par le monde, Santander en Espagne, HSBC, Royal Bank of Scotland en Grande-Bretagne, Nomura au Japon, et Natixis et BNP en France, exposés indirectement pour avoir prêté de l'argent à des investisseurs qui avaient, eux, confié leurs fonds à Bernard Madoff. Car la France n'échappe pas, elle non plus, à l'escroquerie Madoff. L'AMF, le gendarme français de la Bourse, explique que la contamination se propage dans l'Hexagone grâce à des fonds de placement luxembourgeois et néerlandais qui avaient investi l'argent des banques françaises sur le fonds Madoff. Dans la foulée, des informations filtrent dans la presse. BNP Paribas cumulerait des pertes records de 350 millions d'euros. La banque d'investissement Natixis en perdrait 450. Chez Dexia, le bilan serait de 85 millions d'euros de pertes. La Société Générale, déjà embourbée dans l'affaire Kerviel, perdrait, elle, 10 millions d'euros, tout comme Groupama ou le Crédit Agricole. L'affaire Madoff devient un tsunami financier. D'autant que selon les données recueillies par 30 cabinets d'avocats chargés de défendre les victimes, l'escroquerie aurait touché 3 millions de personnes, victimes directes ou indirectes, à travers le monde. Parmi ces victimes, on compte des dizaines de milliers d'anonymes, des petits épargnants, des gens issus pour la plupart de la classe moyenne, et qui, à défaut d'avoir de grandes fortunes, avaient placé toutes leurs économies ou leurs héritages sans savoir que leur épargne se retrouverait dans le fonds Madoff. À l'inverse, aux États-Unis, une multitude de petits clients avaient sciemment investi chez le financier de Wall Street en pensant que c'était la meilleure solution d'assurer leur retraite. Pour eux, l'affaire est une catastrophe, comme en témoigne Joyce Greenberg. Retraitée dans le Michigan, à la mort de son mari, elle avait placé $1 million à la mauvaise adresse, chez Madoff. J'étais très contente de ce succès. Aujourd'hui, je suis totalement abasourdie par ce qui s'est passé cette semaine. Et je n'ai aucune idée de ce qui reste de mes placements. Des placements qui se sont envolés, le cas de Joyce Greenberg n'est pas isolé, bien sûr. Ils sont des milliers comme elle à se retrouver dans cette situation. Et c'est tout l'effort d'une vie qui part en fumée à cause de la voracité d'un financier. De son côté, le parquet de New York fait de nouvelles révélations aux médias. Il indique que Bernard Madoff a enfreint les conditions de sa liberté sous caution en tentant de cacher les bijoux dans des colis adressés à des proches, le tout pour $1 million. Le procureur en charge de l'affaire révèle également que le jour de son arrestation, on a retrouvé chez lui des chèques d'un montant de $173 million au bénéfice de ses amis. À l'approche des fêtes, de fin d'année, le monde semble suspendu au rythme des nouvelles révélations sur ce scandale qui a généré des pertes allant de 20 au mieux à $65 milliards au pire. Trois mois plus tard, le 12 mars 2009, s'ouvre le procès Madoff. Dans la salle d'audience, une cinquantaine de victimes ont pris place. Toutes veulent que Madoff s'explique, mais l'accusé fuit les questions. Il plaide coupable à chacun des chefs d'accusation et bénéficie donc d'une procédure accélérée qui exclut tout débat devant la cour. Ses seules paroles seront « J'ai honte, je suis désolé, je suis heureux de pouvoir enfin le dire, je n'ai jamais investi l'argent qui m'était confié. J'ai cru que j'arriverais à m'en sortir, mais j'ai su très vite que le jour viendrait où je devrais rendre des comptes. » 5 minutes d'excuses pour plusieurs milliards d'escroqueries. Le 29 juin 2009, le tribunal de New York le condamne à une peine de 150 ans de prison, sentence surréaliste à nos yeux d'Européens, on peut traduire tout simplement, et vous l'aviez compris, par perpétuité. Un verdict qui pourtant ne satisfait pas les victimes pour qui la lumière n'a pas été faite sur ce scandale. Comme l'explique l'une d'elles, le français Bruno Fontaine. C'est un procès assez expéditif, dans lequel Madoff s'est reconnu coupable, il prend tous ses torts sur lui. Et quand vous regardez la réalité, que Madoff soit un escroc et qu'il mérite un châtiment, c'est évident. Mais le problème, à mon avis, il n'est pas là du tout. Il est dans le fait que les autorités de régulation ont manqué à tous leurs devoirs, le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, le procès de Madoff, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on en est arrivé là, comment un escroc a réussi à soutirer $50 milliards. Effectivement, comment Bernard Madoff a-t-il fait pour soutirer plus de $50 milliards à ses clients et les faire disparaître? Comment son système a-t-il perduré pendant tant d'années? Quelle est l'histoire de cet homme en qui le tout Wall Street vouait une confiance absolue? Et enfin, comment est-il possible qu'on ne l'ait pas démasqué plus tôt? Dans quelques instants, nous allons vous expliquer les dessous d'une fraude financière hors norme. Money, money, money, money. I may just buy me a dress. À New York, sur la presqu'île de Manhattan, à Wall Street, tout le monde connaît Bernard Madoff, ce self-made man qui faisait rêver l'Amérique par sa réussite flamboyante. Personne pourtant ne semble connaître sa véritable histoire, celle d'un homme qui, depuis sa naissance en 1938, dans une famille juive et modeste du Queens, s'est construit un parcours atypique pour finalement s'attirer la confiance aveugle de toute l'Amérique. Autodidacte, c'est à 22 ans que le jeune Madoff se lance dans les affaires. Il arrête ses études de droit et monte avec son frère un petit fonds d'investissement appelé Madoff Investment Securities. À ce moment précis, le seul emploi qui figure dans son CV est celui de maître nageur sur les plages de Long Island. Et c'est effectivement comme un poisson dans l'eau qu'il nage dans la finance, et très vite. D'abord, l'homme a du flair, capable de dénicher et de sentir les bonnes affaires et de les faire fructifier. Dans les années 80, alors que les États-Unis déréglementent le secteur financier, Madoff réalise ses premiers gros coups et il devient progressivement l'une des figures de Wall Street. Mais il lui manque un titre à faire valoir pour asseoir définitivement sa crédibilité. Ce titre arrive en 1990, lorsque Madoff, ambitieux, décide de défier le très puissant New York Stock Exchange, la bourse des valeurs de marché. Il parie sur une plateforme concurrente destinée aux valeurs technologiques, le Nasdaq. C'est là son coup de génie, car avec l'arrivée sur le marché d'IBM, Microsoft, Apple ou encore Intel, il fait fortune. Auréolé de son succès, il prend la tête du Nasdaq pendant 2 ans. Il ajoute ainsi à son CV la référence de patron de la bourse à New York. Précurseur de la finance moderne, Madoff est persuadé que l'informatique va remplacer l'humain dans les salles de marché. Son idée, c'est donc d'automatiser les ordres boursiers pour générer beaucoup plus de transactions et donc beaucoup plus d'argent. Une innovation qui sera par la suite appliquée dans les bourses du monde entier et qui va lui permettre d'accroître sa fortune. Désormais aussi riche que ses clients, celui qu'on surnomme partout l'oncle Bernie s'invite et s'installe dans leur monde. Comme eux, il achète des villas dans des enclaves réservées aux milliardaires comme dans les Hamptons ou à Palm Beach. Il se fait aménager un yacht et un jet privé. Enfin, comme tout Américain qui se respecte dans ce milieu, il joue les philanthropes et dépense des millions pour de nobles causes. Fort de ce nouveau statut social, celui d'un grand patron de la bourse de New York au riche réseau de collaborateurs, Bernard Madoff décide de se lancer dans un nouveau business. En 1993, il abandonne son poste de directeur du Nasdaq, délègue à ses deux fils l'irréprochable entreprise familiale de 200 employés située dans le Lipstick Building à Manhattan pour s'installer dans le même immeuble mais un étage au-dessous. Ici, entouré d'une équipe réduite, il propose à quelques institutions et individus triés sur le volet de placer leur argent sur les marchés à la manière d'un hedge fund, un fonds de placement, et leur promet des taux de rendement exceptionnels. Mais, et c'est là le premier tour de passe-passe de l'inventif Bernie, sa seconde société qui gère près de 10 milliards de dollars d'actifs n'est officiellement pas un fonds, mais une société de conseil en investissement. Une subtilité juridique qui a son importance, car elle ne l'astreint à aucune règle de transparence vis-à-vis des autorités et en particulier vis-à-vis de la Security and Exchange Commission, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Au début des années 2000, au 17e étage du Lipstick Building à Manhattan, s'organise autour de Bernard Madoff une cuisine toujours plus opaque de management financier. De leur côté, les clients continuent d'affluer pour investir. Leur nombre est tel qu'on crée une liste d'attente. À ce moment-là, personne ne s'interroge ou ne veut s'interroger sur la méthode Madoff. Et personne n'imagine non plus que l'ancien dirigeant du Nasdaq n'a jamais investi le moindre dollar de ses clients en bourse. Non, car dans son bureau, Madoff gère en réalité un tout autre système. Celui d'une escroquerie vieille comme le monde, dite pyramide de Ponzi. Pour France Inter, Bruce de Galzin en explique les mécanismes et les raisons qui ont conduit au scandale. Eh bien, il s'agit de partir du haut de la pyramide pour irriguer le bas. Bernard Madoff se servait des fonds apportés par ses nouveaux clients pour payer des intérêts à ses anciens clients. Mais voilà qu'en pleine période de crise, les nouvelles sources de liquidités commençaient à se tarir et qu'en même temps, les investisseurs demandaient à retirer leurs capitaux. Bernard Madoff, pris à la gorge, a finalement avoué. Mais si l'homme a réussi à flouer autant d'investisseurs, c'est parce que devenir membre de son cercle était un privilège. On était introduit par cooptation, c'était une faveur. Ses clients étaient choisis lors de parties de golf ou autres sorties en yacht. Des clients muets qui n'osaient poser de questions tellement les rendements de leur investissement étaient intéressants, près de 10% par an. Mais voilà, il ne s'agissait que d'intérêts, impossible de récupérer les capitaux. Obnubilés par les rendements plus que par la sécurité de leurs capitaux, Madoff piège coup après coup des stars hollywoodiennes comme l'acteur Kevin Bacon, le réalisateur Steven Spielberg, ainsi que des fondations pour la recherche médicale, des fonds de pension ou encore des clubs de foot. Son cercle de clients s'agrandit année après année, car Madoff, il faut bien le rappeler, inspire confiance. Mais oui, c'est le problème. Et en l'espace de 17 ans, ce sont plus de 50 milliards de dollars qui sont engloutis par son entreprise de placement. En 2004, le fonds Madoff, qui n'a toujours pas d'existence légale, devient le plus important au monde. Et son créateur, qui détourne de l'argent, garde aussi beaucoup de liquidités, ce qui lui permet de rembourser rubis sur l'ongle tous les clients qui lui demandent. Des clients qui font eux-mêmes sa publicité. À New York, circule une rumeur selon laquelle l'argent placé chez lui serait garanti par le Trésor américain, comme une bonne petite assurance vie sans unité de compte, une poche euro, comme on dirait chez nous. Cependant, certains s'interrogent sur le rendement si parfait du fonds Madoff, qui malgré les chutes de la bourse ne vacille jamais. Étrange tout de même. Et puis, comment justifier que Madoff puisse faire gagner à ses clients entre 10 et 15% par an, soit plus du double de ses concurrents? Décidément, la mariée est trop belle. Mais plus grave encore, comment de grands noms de la finance bancaire internationale, les professionnels de la profession, n'ont-ils pas été plus suspicieux à l'égard des performances miraculeuses promises par l'homme de Wall Street? Et enfin, comment les autorités de régulation et de contrôle n'ont-elles pas enquêté plus tôt? C'est en 1992, soit 16 ans avant le scandale, que la justice américaine s'intéresse pour la toute première fois à Bernard Madoff. En cause, les dérives de traders étrangers qui auraient investi chez lui de l'argent qui ne leur appartenait pas. L'organisme de contrôle des marchés aux États-Unis lance donc une première enquête, mais conclut que la gestion du fonds Madoff ne présente aucune irrégularité. Elle écrit même dans son rapport que tout dans la gestion des activités de Bernard Madoff est parfaitement rigoureux et transparent. En nous promettant d'accéder à tous ces documents, M. Madoff est un modèle d'exemplarité, se félicite l'institution. Une transparence et une exemplarité qui s'expliquent tout bêtement. À l'époque, Bernard Madoff n'avait pas encore créé sa seconde entreprise, celle à la gestion opaque, et il n'avait donc rien à se reprocher. Au début des années 2000, après plusieurs années de triche, la seconde entreprise de Madoff cumule déjà plusieurs milliards de dollars dans ses livres de compte. C'est à ce moment-là qu'un lanceur d'alerte lance les autorités sur une possible fraude de l'ancien directeur du Nasdaq. Il s'agit de Harry Markopoulos, l'un des concurrents de Madoff à Wall Street. Dans le documentaire Madoff, l'homme qui valait 65 milliards, réalisé par Jean-Louis Pérez, Harry Markopoulos raconte pourquoi il a douté du système Madoff. En 5 minutes, j'ai compris que c'était une fraude. La courbe des performances formait un angle à 45 degrés, en ligne droite. C'est impossible. Dans la finance, les rendements sont comme des montagnes russes. Or, chez Madoff, 96,4% des mois étaient positifs. Ses rendements ne ressemblaient à rien de connu dans le domaine de la finance. Harry Markopoulos envoie un document de 19 pages à la SEC, l'autorité américaine des opérations de bourse, dans lequel il évoque une fraude sous la forme probable d'une pyramide de Ponzi. Entendu devant les enquêteurs de la SEC, Madoff répond qu'il joue en bourse à l'instinct, qu'il sent des vibrations. Malgré l'aspect rocambolesque de ses réponses, les fonctionnaires de la SEC ne poseront pas davantage de questions. Une attitude suspecte, selon Harry Markopoulos. Je les ai rencontrés directement à plusieurs reprises. Je les ai avertis par email. J'avais une équipe de 4 hommes qui enquêtaient sur le terrain. J'ai passé 9 ans à expliquer à mon gouvernement qu'il fallait mettre Madoff en prison. Si les attaques contre le système Madoff ne sont pas prises au sérieux au début des années 2000, c'est que l'homme jouait également à Wall Street d'une confiance absolue. Qui pourrait oser douter de lui, hein? L'ancien directeur du Nasdaq, lui, le grand philanthrope, lui, l'ami des stars hollywoodiennes, le plus grand contributeur privé du Parti démocrate, membre actif et éminent du plus puissant lobby de Wall Street pour la sécurité et le respect des règles bancaires, Madoff, l'homme que la SEC auditionne pour obtenir des conseils afin d'accroître la sécurité sur les marchés, lui, enfin, qui donne des conférences sur la finance et des leçons d'éthique au monde entier. Qui pourrait douter de lui? Des conférences comme ici, lors de cette table ronde à New York en 2007, où on l'interroge sur sa manière de travailler. Vous avez une entreprise qui fait de forts profits. Comment arrivez-vous à faire autant d'argent? Eh bien aujourd'hui, typiquement, le gros de l'argent qui se gagne à Wall Street se gagne en prenant des risques. Les entreprises de placement, y compris nous, s'orientent toutes dans cette voie et c'est vraiment là que l'argent se gagne. Et lorsque vous faites du trading pour d'autres personnes, je n'ai juste jamais compris. A-t-on affaire à des opérations clairement confidentielles où il y a des échanges d'informations entre les gens qui achètent les actions et ceux qui parient sur les cours des marchés? Oui, il y a ce qu'on appelle dans le jargon une muraille de Chine. Ce sont des séparations qu'il y a au sein de toutes les entreprises de placement et c'est très protégé, très surveillé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus, bien sûr. Mais intrinsèquement, aujourd'hui, tout est régulier. Et il est donc virtuellement impossible de transgresser les lois du marché. Et c'est quelque chose que le public ne comprend souvent pas bien. Car les gens, quand ils lisent dans le journal qu'un banquier a violé toutes les règles, ils se disent qu'il n'est sans doute pas le seul. Mais moi, je vous l'affirme, c'est impossible aujourd'hui qu'une violation ne soit pas détectée. Impossible qu'une violation ne soit pas détectée. Madoff ne manque pas d'air, lui qui viole les règles depuis plus d'une décennie. Une variante, ça ne peut pas être moi. Mais le plus grave, à n'en pas douter dans toute cette affaire, c'est que la fraude de Bernard Madoff aurait pu perdurer. Car sans la crise des subprimes de 2007, l'escroc de Wall Street n'aurait pas été obligé de rembourser ses clients. On peut donc imaginer qu'il aurait continué ses activités frauduleuses et continué à faire des victimes supplémentaires. Plus troublant encore concernant la sécurité des marchés, et donc de notre argent, ce ne sont ni le FBI ni la SEC qui découvrent l'escroquerie, non, c'est Madoff qui la révèle aux enquêteurs. Personne jusque-là ne s'était douté de quoi que ce soit. Cupidité, stupidité, semblent être les mamelles de la sphère financière, en tout cas à travers cette affaire. L'affaire de trop pour certains, tant elle démontre que notre système financier dématérialisé, opaque et incompréhensible peut aboutir à de véritables catastrophes dont nous payons encore aujourd'hui la facture. Yeah. I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, et aujourd'hui avec une vraie cible, Bernard Madoff, dont nous allons parler avec vous. Christophe Alix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service économique du journal Libération, qui est notre partenaire tous les 15 jours, et c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, cette affaire, c'est une ampleur sans précédent, et on se dit quand même, ce qui est assez fou, c'est que s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes, par exemple, ça aurait pu continuer, tranquillement, jusqu'au jour où peut-être les pertes auraient été encore plus astronomiques. Bien sûr, il a fallu que trop de gens demandent, commencent à demander en même temps des remboursements à Bernard Madoff. Pourquoi ? Parce que la conjoncture s'était retournée et que donc les gens voulaient récupérer leur liquidité. Ils avaient besoin d'être plus liquides, comme on dit, donc ils avaient besoin de récupérer leur argent. Et ce qui est d'ailleurs encore plus fou, c'est que ce ne sont pas les autorités de régulation qui ont découvert la fraude. Ce ne sont même pas les enfants de Bernard Madoff qui travaillaient avec lui, qui se sont beaucoup enrichis. Il y avait deux ou trois personnes dans son entourage apparemment qui connaissaient le système. C'est parce que dans une espèce de fuite en avant à un moment, Bernard Madoff apparemment a voulu donner, récompenser beaucoup ses employés, les gens qui travaillaient avec lui. Et que donc ses enfants lui ont dit, mais tu es fou, pourquoi tu veux leur donner plein d'argent, etc. Et là il a craqué, et donc il a reconnu que en fait pour lui c'était fini, c'était la fin, il voulait pas continuer. Et voilà. Et donc en fait si Bernard Madoff n'avait pas lui-même mis fin au système, et qu'il n'y avait pas eu donc ce retournement conjoncturel, ça aurait pu continuer. Et des pyramides de Ponzi, je me suis un petit peu renseigné, il y en a tout le temps, il y en a en permanence, pas pour des montants aussi importants. J'ai vu que là, il y a deux jours, il y en a eu une en Chine. Ouais. 6,7 milliards de dollars, plus de gens touchés que Bernard Madoff, bon, des sommes inférieures. Et un truc tout bête, une plateforme internet où on proposait aux épargnants chinois d'investir dans des boîtes, leurs économies, des nouvelles start-up, etc. Alors ils avaient plein de dossiers. Le crowdfunding, comme on dit, là, le financement par les foules, la participation. Oui. Aucune boîte n'existait. 2 ans ça a duré seulement, un peu plus court que Bernard Madoff. Est-ce que ça veut dire que tout un chacun, y compris dans ce pays, en France, on peut être victime de ce genre d'escroquerie, si on est contacté, on vous dit, voilà, c'est une entreprise, vous mettez un peu d'argent au pot, vous récupérez un peu, puis vous remettez après. On n'est pas sûr que l'entreprise existe, il y a aucune procédure pour qu'on, de transparence et pour qu'on soit sécurisé. Il n'y a aucun remède contre la crédulité humaine et l'appât du gain. Et ce qu'on voit avec Bernard Madoff, ce qui est fascinant, et c'est là où c'est vraiment l'as des as, c'est cette capacité, comme on dit aujourd'hui, d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que c'est pas de l'ingénierie financière, Bernard Madoff, c'est de l'ingénierie sociale. Alors, dans la manière dont il a monté sa réputation, son personnage. Vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'il ait monté le Nasdaq à New York, qui est la bourse où sont cotés aujourd'hui les Apple, les Google, les grandes boîtes. Il était le top de la modernité financière à l'époque. Le top du top. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que le Nasdaq, c'est une bourse de cotation entièrement électronique. Et lui, ce qu'il a fait ensuite avec son fonds, c'est tout l'inverse. Il est revenu à des trucs complètement manuels. Il n'envoyait aucun mail à personne. Il ne donnait aucune opération de marché en temps réel. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il prenait 2 ou 3 jours pour réécrire fictivement les écritures, et donc il donnait de fausses écritures aux gens en se basant sur les activités des marchés des jours précédents. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des banques et de toutes les institutions financières qui se sont fait, qui ont participé au système, qui ont placé l'argent de leurs épargnants. Des fonds en Europe, etc. Et en promettant probablement à leurs épargnants un rendement meilleur qu'une assurance vie ou qu'un livret A. Tout à fait. Même si, on l'a dit tout à l'heure, pour un certain nombre d'entre eux, c'était plus des gens aussi qui demandaient de l'argent à la banque, qui empruntaient de l'argent à la banque pour investir en fonds Madoff. Et donc, quand les fonds Madoff se sont écroulés, la banque a eu à prendre sa paume, parce que les gens n'ont pas voulu rembourser à la banque ce qu'ils avaient emprunté à la banque. Bien sûr, puis quoi encore. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que il y aura peu de temps après, je crois, l'affaire Kerviel, mais que la Société Générale a fait un truc assez exemplaire à ce moment-là. C'est-à-dire ? Eh ben, elle a repris toutes les opérations de Madoff, etc. Et elle a fait des simulations sur les marchés, sur comment c'était possible, etc. Et elle a dit. L'activité des marchés ne concorde pas avec les chiffres qu'ils donnent. Et donc, ils avaient on a cru à un moment qu'il y avait 10 milliards pour la Société Générale. Et en fait, la Société Générale avait quasiment retiré tous ses fonds Madoff. Mais ça n'a pas empêché de se faire avoir par Jérôme Kerviel. Alors, l'économie est souvent, voire toujours, une affaire de cycle. Hein. L'économie classique, croissance, récession, ce sont des cycles. Mais pour les crises aussi, on a connu Enron, Madoff, les subprimes, bon, la bulle Internet, la crise financière qui est une sorte de package de tout ça, celle de 2008. On est condamné à l'insécurité dans ce monde. Aujourd'hui, ce monde connecté, je dis ça parce que ça, c'est un facteur important. Hein. La caractéristique d'aujourd'hui, c'est la conjonction de deux choses. C'est donc la mondialisation des marchés et la rapidité des temps d'exécution de transactions grâce aux nouvelles technologies. Cette combinaison de la mondialisation et des nouvelles technologies, ça a amené une espèce de fluidité dans les marchés financiers absolument incroyable qui fait que dans deux minutes, on peut investir sur une boîte à Taïwan et demain matin, on retire notre investissement de la boîte à Taïwan et on voit si dans le temps, on a fait une plus-value. Les financiers aujourd'hui, et puis aussi les investisseurs, les épargnants, ils se sont complètement convertis d'une certaine manière à cette fluidité des marchés. Et donc, arrêter tout ça, eh bien, ça voudrait dire retourner à un mode de contrôle a priori, ça voudrait dire ralentir beaucoup ces marchés. Et pour beaucoup de gens, pour les financiers qui aiment le risque, qui aiment l'aléa, qui aiment faire des paris, c'est un petit peu c'est un peu insupportable. C'est comme si on vous disait que vous avez le dernier iPhone avec lequel vous pouvez tout faire. Non, finalement, on préfère vous redonner un Bebop, quoi. Ça va. C'est pas dans le sens de l'histoire. Voilà. C'est pas dans le sens de l'histoire. Donc il y a une accélération. Il y a une accélération de l'histoire et ni la finance ni les États qui gagnent de l'argent avec ça. Ce système, il permet de placer hyper rapidement. La dette publique française, par exemple, il permet... la finance, elle sert à beaucoup de gens. Elle sert aussi aux États pour placer leurs dettes. Elle sert aux entreprises à trouver de l'argent quand ils n'en ont pas. Elle sert à prêter de l'argent pour acheter des maisons à des gens qui n'en ont pas les moyens. La crise des subprimes. Donc, voilà, elle met de l'huile dans les rouages, cette finance. Et comment retourner en arrière ? À l'ère des nouvelles technologies, c'est très difficile. Ça paraît compliqué, mais pour le moins. Concernant Madoff, maintenant, on a vu que les instances de régulation, les soi-disant gendarmes de la bourse, n'ont pas servi à grand-chose. C'est qu'il y a un facteur important, c'est qu'il inspirait confiance. Alors, on va écouter un témoignage ensemble sur ce point, la confiance qu'il pouvait inspirer, Madoff, qui lui a bien servi. Le témoignage de Xavier Lépine, président de l'entreprise UFG, qui, lui, alors pour le coup, a senti la mauvaise affaire. Il le disait à Carole Gessler sur France 3. Bon, d'abord, il faut voir que Madoff, c'est le vrai délit de bonne gueule. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, vous voyez sa photo, il inspire confiance, il avait de bonnes raisons d'inspirer confiance. Il avait été président du Nasdaq, il était membre de l'équivalent de l'AMF en France et en charge de réformer les marchés financiers. Bien sous tout rapport, je dirais pour caricaturer, la belle poulet fermier. Donc on pouvait a priori avoir confiance, on pouvait également avoir confiance du fait de la longueur de son historique de performance, 17 ans. De performances positives, avec des rendements qui allaient, selon les années, de 5 à 10%, donc tous les éléments de la confiance. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, alors ? Je dirais qu'on n'a pas eu beaucoup. Pour avoir la puce à l'oreille, il faut avoir une raison d'avoir la puce à l'oreille. Concrètement, on avait très peu de raisons. Ce qui nous a amené à retirer notre argent, je dirais que, d'une manière générale, c'était la crise de liquidité elle-même qui nous a retiré des clients, qui nous a amené à retirer de l'argent. Ce n'est pas une bonne raison, c'est une raison. La deuxième raison, c'est... Sa promesse était, sans expliquer finalement beaucoup son process de gestion, était de dire « je vais vous délivrer deux fois le taux sans risque ». Donc la conclusion de ça, c'était de dire « oui, il y a un track record, oui, il y a une honnêteté a priori du fait de sa réputation, mais il fallait quand même investir à travers un fonds dont les actifs sont conservés par une banque de première réputation, en l'espèce donc la banque UBS Luxembourg, et donc pas investir directement chez lui ». Donc ça, c'était la première des sécurités. Et la deuxième des sécurités, c'est investir très peu, puisque c'était une boîte noire. Les fausses sécurités, alors donc, le témoin, Xavier Lépine, le dit bien, c'est la bonne tête de Madoff, quoi. Ça compte beaucoup. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette réputation sociale, cette réputation qui s'est construite. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui comment elle fonctionne, l'économie Internet, elle fonctionne à la réputation. Hein, tout le monde est noté, tout le monde a une notation. Et ben voilà, si quelqu'un a une super notation, personne ne s'inquiète qu'il puisse faire du défaut du jour au lendemain. Mmh. Et pourtant, quand on voit que les notations ne reflètent pas du tout la réalité, effectivement, c'est vertigineux. Et c'est le cas de Madoff. Il était super bien noté, comme on dit les agences de notation, etc. Il était triple A, quadruple A, quintuple A, Madoff. Alors, on verra, Christophe Alix, après avoir écouté Jacques Higelin qui chante Aujourd'hui la crise, hein, c'est de bonne guerre pour cette émission. On verra comment en sortir et comment, éventuellement, surtout se prémunir de cela. Et ça passe, le nerf de la guerre, c'est l'information des gens. Hein. Félix, pour nous prémunir ou nous protéger de ce genre de dérive, je disais le nerf de la guerre, c'est l'information des investisseurs. Mais comment trouver cette information quand vous faites un placement dans une banque, par exemple? Je reviens à mon assurance vie, aux unités de compte, parce que ça parle à tout le monde. Hein. La banque vous dit, bah voilà, on va mettre ça sur des placements qui sont un petit peu dynamiques, quoi. Ça va vous rapporter plus. Alors on reçoit des documents, on comprend rien. On sait pas où ça va. Il y a des noms comme ça d'investisseurs, de fonds. On comprend rien, et puis à une époque, les documents faisaient jusqu'à 200 pages. Oui. Qui les lit? Bien sûr, c'est dissuasif. Déjà, quand on a des conditions d'utilisation de 2 pages, on ne les lit pas, alors de 200 pages. D'autre part, ces placements qu'on fait, ces assurances-vie, bah, y a quoi dedans ? Il y a un petit peu de dette américaine, un peu de dette française, un peu de dette brésilienne. Il y a un fonds dynamique investi sur des start-up en Asie. Un autre investi sur des matières premières. Un petit bout de d'action du CAC 40. Pourquoi ? Parce qu'on fait ce qu'on appelle, on lisse le risque. C'est-à-dire qu'on met pas tout dans le... Même panier. Voilà, dans le même panier. Cela dit, d'un point de vue de la finance, ça toujours fonctionne comme ça. Du point de vue de la finance, c'est tout à fait logique. Donc, pour donner un truc un peu dynamique, par exemple, on prenait du Madoff. Mais on prenait pas forcément du Madoff. On pouvait prendre un fonds de fonds, c'est-à-dire, disons, d'une manière indirecte, qui lui-même avait investi dans du Madoff. Donc, ce qui est très important, c'est que, effectivement, comment tout ça a pu avoir lieu également, c'est parce que, pour beaucoup, un, Madoff a falsifié les comptes, et deux, il y avait beaucoup de gens qui avaient du Madoff sans le savoir. Tout comme il y avait, on a mis 18 mois, 2 ans à savoir pour que chaque banque sache si elle avait des subprimes à l'intérieur de son... voilà, avec ces phénomènes qu'on appelle de titrisation. Hein, oui, qui est, fait les subprimes, voilà, c'est voilà. Donc tout ça pour donner cette fluidité de la finance au marché, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Donc l'information des épargnants, bien évidemment, mais enfin... Il faut un niveau très élevé pour les épargnants. Alors, peut-être la deuxième chose, peut-être un peu plus intéressante, la notion également de traçabilité. Hein, que chacun puisse vraiment tracer éventuellement en temps réel l'évolution de son portefeuille, etc. Mais bon, les gens le font peu, ils confient leur argent à et des on professionnels. Les comprend, mais bien sûr qu'on les comprend. Alors, voilà. Il y avait une autre piste qui était de séparer les activités pour une même banque, de dépôt et d'affaires. Bon, on n'a pas réussi ça. Pas vraiment. Pourquoi ? Pas vraiment. Tous les pays ont essayé, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Eh bien, parce que les deux activités sont vraiment extrêmement liées. Notamment aujourd'hui, une banque d'affaires qui fait des affaires, qui investit, qui achète, qui vend, elle le fait en se garantissant, en se couvrant, comme on dit. Il y a toujours cette notion de couverture dans la finance, en se couvrant avec des fonds propres. Ces fonds propres. C'est les dépôts de ces épargnants. Donc vous ne pouvez pas être une grande banque d'affaires si vous n'avez pas aussi, si vous n'êtes pas en même temps une grande banque de dépôts. François Hollande avait dit l'ennemi c'est la finance. Pierre Moscovici a tenté une réforme de ce côté-là. Rien du tout. Plus intéressant et prometteur peut-être, enlever aux États où il y a parfois des connivences entre les régulateurs d'un côté. Ceux qui sont censés contrôler et les patrons des grandes banques, parce que c'est tous des hauts fonctionnaires qui passent de la présidence de grandes banques à la banque centrale, à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ou au conseil de la Banque de France qui a la tutelle. Eh bien, enlever un petit peu la souveraineté des États là-dessus. L'union bancaire. Et la donner à l'Europe avec le contrôle donc de la Banque Centrale Européenne. Ouais. Voilà, qui aujourd'hui est l'instance, est le principal gendarme et l'instance de supervision, de supervision, de toutes les banques de la zone euro. En même temps, qui est le patron de la. Mario Draghi. Mario Draghi, un ancien de Goldman Sachs. Oui, absolument. Voilà. Donc on retrouve les mêmes causes. On revient un petit peu dans quelque chose de circulaire comme ça. Alors, les mêmes causes vont-elles provoquer les mêmes effets ? Alors on va pas faire de la fiction, mais on nous dit oh, une crise comme 2008, forcément, parce qu'on n'a pas tiré les leçons de cette crise, parce que les marchés financiers continuent à fonctionner de cette façon, on en aura une autre. Est-ce que c'est votre sentiment ? Sans lire dans la boule de cristal, c'est pas... Oui, par exemple, en ce moment, on a eu une... On a inondé le marché de liquidités avec des taux d'intérêt nuls. On a créé des bulles internet, des bulles spéculatives, des bulles immobilières. Tous les ingrédients y sont. C'est cyclique. Tous les ingrédients y sont pour qu'une grande crise revienne. Et elle sera mondiale parce que l'économie aujourd'hui est interconnectée. Bien. Merci beaucoup, Christophe Félix. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Madoff, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, bien sûr.